Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la dernière mine d'or française, Salsigne, et ses retombées néfastes sur l'environnement et sur la santé. Salsigne, près de Carcassonne, dans l'Aude, a longtemps été l'une des principales mines de France. Depuis le 19e siècle, celui de la révolution industrielle, des exploitants tiraient de ces gisements, en plein cœur du massif de la Montagne Noire, de l'or, mais aussi de l'arsenic. Car le bijou et le poison proviennent de la même roche. Une industrie minière longtemps dynamique, dans la vallée de l'Orbiel, la mine est synonyme d'emploi. Mais quand il s'agit d'industrie, exploitation ne rime pas avec protection. Ainsi, la mine a bouleversé les paysages de la Montagne Noire et durablement affecté la santé de ceux qui y vivent et qui y travaillent. Car les exploitants successifs de celle-ci ont pollué, l'un après l'autre, attirés par ce filon reluisant, l'or, ils ont rejeté des tonnes et des tonnes de produits toxiques dans la nature. Sans que l'État, malgré son intervention tardive et près de 125 millions d'euros dépensés, ne parvienne à protéger les riverains dans ce qui est maintenant l'un des endroits les plus pollués d'Europe. Notre invité aujourd'hui, Hervé Pujol, ingénieur de recherche au CNRS. Il a dirigé l'ouvrage « Triste mine, impacts environnementaux et sanitaires de l'industrie extractive » publié en 2014 aux éditions des études hospitalières. Affaires sensibles, en partenariat avec l'INA, préparé aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Et puis sachez qu'en France, ce soir, 6 départements sont placés en vigilance orange, du Roussillon à l'Hérault, et cela jusqu'au sud du Tarn. Un épisode méditerranéen qui sera très actif dans la nuit, avec des prévisions pour Météo France de fortes précipitations. De très fortes précipitations, des pluies diluviennes même, l'équivalent de 4 mois en quelques heures. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, c'est une véritable catastrophe naturelle qui s'abat sur le département de l'Aude. Suite au passage de l'ouragan Leslie au Portugal, la pluie tombe et les cours d'eau débordent. Jusqu'à 8 mètres de crue pour l'Aude et ses affluents, le Fréquel, le Trapel, l'Orbiel. Les eaux boueuses qui emportent tout sur leur passage font 15 morts et des dégâts matériels considérables. L'eau et le téléphone sont coupés, des voitures et des ponts emportés. Au petit matin, des frigos et des poubelles flottent ça et là sur l'étendue marron qui englue la vallée des eaux poisseuses. À Conques-sur-Orbiel, le rez-de-chaussée de l'école municipale est recouvert de boue, meubles, jouets, il faut tout jeter. C'est le directeur de l'école qui l'ordonne. Mais enfin, pourquoi jeter? Pourquoi ne pas nettoyer? Parce qu'en aucun cas, il ne faut prendre le risque de contaminer les enfants. Voilà, contaminer, le mot est lâché. Quelques semaines plus tard, des analyses viennent confirmer ce que le directeur pressentait. Dans les sédiments charriés par l'Orbiel en crue, il y a de l'arsenic, beaucoup d'arsenic. Un polluant hautement toxique présent naturellement dans les sous-sols de la région qui serait tranquillement resté enfoui sans ce siècle d'exploitation minière. Les pluies torrentielles du 14 octobre 2018 ont donc fait déborder des rivières contaminées depuis des décennies. Pire, en charriant avec elles les sédiments du sol, elles ont aggravé la concentration en arsenic dans la vallée de l'Orbiel. Une concentration élevée, dangereuse pour la santé de ceux qui jouent, mangent, boivent dans cette vallée recouverte par la crue. Pas d'inquiétude, rassure pourtant la direction régionale de l'environnement. Certes, des boues polluées ont été placées par les pluies sur l'ancien site minier de Salsigne, tout près de Conques-sur-Orbiel, tout près de l'école envahie par l'eau, mais rien d'alarmant. D'ailleurs, une fois l'eau de la crue évacuée, le paysage autour de Salsigne redevient tel qu'il a toujours été, idyllique. Les châteaux cathares de l'Astour, des cours d'eau bucoliques et des collines couvertes d'arbustes. Parmi elles, l'Artus et Montredon, deux collines qui n'en sont pas vraiment, comme explique le chercheur Frédéric Auger. On ne peut pas imaginer que ce que l'on voit en face de nous, c'était une vallée il y a 150 ans. Maintenant, on a 70 mètres d'épaisseur de débris recouverts avec une petite couche d'argile et un essai de révégétalisation. On a d'autres zones où on a donc des centaines, des milliers de tonnes de mélange d'arsenic, de cyanure et autres produits divers qui occupent ce qui était une vallée là également. Là, ce sont des collines. Voilà. Et maintenant, ce sont des collines sur lesquelles, tout doucement, très lentement, la végétation est en train de repousser. Ces collines près du village de Salsigne, là où se trouvait autrefois la mine, ce sont donc des tas de résidus toxiques. Un cimetière de déchets où les eaux de pluie ruissellent avant de venir se jeter dans l'Orbiel, puis dans l'Aude et enfin dans la Méditerranée. Des stocks empoisonnés que la végétation recouvre. Deux verrues infectées qui rappellent, tout en les masquant, 120 ans d'exploitation minière. Pour comprendre comment l'homme a transformé une vallée en montagne de poison, retour sur l'histoire de la mine de Salsigne, la dernière mine d'or en France. Depuis près de 4000 ans, les populations de l'Aude exploitent les minerais dont regorge la montagne noire. Le cuivre en 1500 avant Jésus-Christ, le plomb et l'argent au XIVe siècle, le fer au XVIIIe, puis l'or dès 1895 et l'arsenic. Rapidement, la mine de Salsigne devient la principale mine d'or française et le premier producteur mondial d'arsenic. Au début du XXe siècle, la roche extraite de la mine est broyée, puis concentrée en briquettes qui sont ensuite fondues dans des fours afin d'en extraire l'or et l'arsenic qu'elles contiennent grâce à des produits chimiques. C'est la pyrométallurgie, un procédé qui dégage des fumées toxiques et de la poussière, beaucoup de poussière. Dès 1930, les agriculteurs des alentours se plaignent. Leur rendement diminue à mesure que l'exploitation de la mine progresse. Au quotidien, mineurs et ouvriers inhalent ces fumées tandis que leurs enfants jouent dans l'état de déchets d'arsenic comme si c'était du sable. Les autorités connaissent pourtant les risques de la pollution, mais elles laissent faire. Le chercheur Frédéric Auger raconte. On est dans une ambiguïté totale, parce que on parle de la mine d'or, de Salsigne, mais en fait, Salsigne, c'était de l'arsenic. La production clé, c'était l'arsenic. C'était 10% de l'arsenic produit dans le monde. Hein, c'est pas que l'or, il y a aussi le bismuth, il y a aussi de l'argent, il y a aussi du cuivre. Bon, il y avait une quantité très importante de produits qui étaient générés par ce site. Donc cet ensemble représentait un potentiel industriel qui a été important et donc qui, il faut le dire aussi, a fait vivre cette région et ce département pendant un certain nombre de temps. Salsigne, au début du XXe siècle, fait vivre effectivement 3000 personnes, ouvriers, femmes, enfants. À coup d'indemnités financières, décidées à l'amiable ou devant les tribunaux, les industriels de la mine font progressivement accepter la pollution aux riverains et aux ouvriers. D'autant qu'au fil des décennies et des progrès technologiques, les fumées s'atténuent. Il n'y a pas vraiment de conscience écologique à l'époque et la mine crée de l'emploi. Alors tant pis pour la santé de ceux qui sont confrontés chaque jour au poison de Salsigne. Dans les années 50 et 60, ouvriers et mineurs sont audois, mais aussi espagnols, italiens, polonais, puis algériens. Mais tous se souviennent de la dureté de la tâche et aussi de la solidarité de chacun face au risque du métier. Il souligne également les avantages de la mine. Une industrie dynamique et donc un emploi stable, un logement propre avec toilette, petit lopin de terre et un pouvoir d'achat en hausse. Bref, près de la montagne noire, comme ailleurs, ce sont les trente glorieuses. De quoi faire oublier la poussière qui s'insinue partout. Mais en 1970, un accident va se charger de rappeler que l'arsenic extrait de la mine est bel et bien un poison. Un puits du village de Vullalier contaminé par des eaux chargées d'arsenic. Des salades et des veaux meurent. Une dame aussi. Et surtout, les exploitants de la mine, dont 47% des capitaux sont américains, achètent les légumes invendables aux maraîchers de la ville. Une pratique souvent renouvelée qui ne suffit pas à empêcher les riverains de consommer des produits pollués. Quant aux mineurs, ils sont directement exposés aux substances toxiques rejetées par la pyrométallurgie. Le mari de Léonce Juste a travaillé à l'usine de Salsigne. Il raconte. Il se dit dans les tuyaux d'arsenic, quand il arrivait, souvent, il avait les yeux rouges qui lui pleuraient, le nez qui lui piquait. Il a eu beaucoup de plaies infectées par l'arsenic qui creusaient, où les infirmiers étaient obligés d'y mettre des mèches pour le soigner. Et quelques années plus tard, il s'est avéré qu'il a eu un cancer de l'œsophage. Et lorsque nous avons vu le professeur Fourtanier, il m'a dit « Madame, ceci explique cela ». Mais alors que les mineurs de Salsigne tombent malades, le silence est de mise, tant du côté des 350 employés que de la direction. Car à la fin des années 70, la société des mines et usines de Salsigne va mal. Rachetée en 66 par un groupe américain, elle produit pourtant chaque année quelques 1600 kilos d'or, 4000 kilos d'argent, 550 tonnes de cuivre, 55 tonnes de bismuth, 6000 tonnes d'arsenic et 18000 tonnes d'acide sulfurique. Mais ces résultats sont déficitaires. Et en 1980, l'État intervient. La BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, un établissement public, remplace les Américains. Entre 1983 et 1989, la mine de Salsigne profite d'un programme d'investissement colossal. 480 millions de francs pour améliorer les procédés d'extraction et éviter les pertes. Mais la situation financière de l'entreprise continue de se dégrader, tandis que le cours de l'or fluctue dangereusement jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. L'ex-URSS vend alors son or sur le marché mondial et les prix s'effondrent. Le soutien de l'État en France n'aura pas suffi à stopper l'hémorragie. En septembre 1991, la production d'or cesse à Salsigne. Salsigne dans l'Aude. Alors était-ce un mauvais signe? En tout cas, on s'achemine vers la fin de l'extraction de l'or en France. La mine vient en effet de déposer son bilan. Elisabeth Esley. Baisse des cours internationaux de l'or et erreur de gestion, c'est ainsi qu'on explique les difficultés de la mine de Salsigne. Le conseil d'administration s'est prononcé cette nuit en faveur du dépôt de bilan. L'activité de la mine est donc suspendue en attendant les conclusions de la procédure judiciaire qui se prononcera sur le paiement des dettes. Après 3 années de travail à perte et 2 restructurations, la direction avait annoncé le mois dernier le licenciement de 56 salariés, d'où un conflit très dur dans l'entreprise qui avait abouti la semaine dernière à la fermeture du site. Aujourd'hui, c'est l'incertitude pour les 430 salariés de la plus grande mine d'Europe, qui est aussi le premier employeur industriel du département de l'Aude. Jusqu'à hier, Salsigne faisait vivre 2000 personnes. En 1992, le tribunal de commerce de Carcassonne déclare la Société des mines et produits chimiques de Salsigne, la MPCS, en liquidation judiciaire. Pour les centaines d'ouvriers qui travaillent sur le site, ce naufrage est un désastre. Car dans l'Aude, un département plutôt agricole, l'emploi est rare dans l'industrie. Et beaucoup de familles sont venues s'installer ici pour la mine, justement. C'est donc avec inquiétude que les mineurs de Salsigne regardent l'avenir. Mais l'or attire. Et le site de Salsigne trouve vite repreneur. Désormais, ce n'est plus une, mais 3 sociétés qui exploitent la mine de Salsigne. Il y a d'abord la MOS, la mine d'or de Salsigne. Gérée par 2 groupes australiens qui ont investi 200 millions de francs dans l'opération, la MOS fait le choix d'un procédé d'extraction de l'or moins coûteux que la pyrométallurgie. L'hydrométallurgie, par cyanuration. L'arsenic n'est plus récupéré, mais entreposé dans des bassins de stockage en pleine nature. Des plages, oui, c'est le mot qu'on utilise pour désigner ces cuves de boue toxique à ciel ouvert. Les fours de l'ancienne usine d'extraction sont désormais inutiles à la MOS. Et c'est un autre groupe qui va en faire l'acquisition. La CEPS, SEPS, Société d'exploitation pyrométallurgique de Salsigne, spécialiste du traitement des déchets industriels. Ces fours, qui servaient jusqu'en 91 à séparer l'or de l'arsenic, permettent maintenant de traiter les déchets de la mine. Mais pas seulement, car la CEPS importe et incinère également des anciens décodeurs de Canal+, des pots de peinture, des piles au lithium, des circuits imprimés. À l'entrée de l'usine, on peut voir cet écriteau. Nous travaillons pour protéger l'environnement par le recyclage des métaux et la revalorisation des déchets. La CEPS, qui a reçu 5 millions de francs de l'État pour dépolluer le site, se targue donc d'œuvrer à la défense de l'environnement. Bien. Mais rapidement, riverains et ouvriers se plaignent des fumées nauséabondes, acides que rejettent les fours, inadaptés à ces nouvelles marchandises. André Lafage, berger, raconte. Depuis sa naissance, il est aveugle et j'ai eu 4 agneaux cette année pour l'agnelage qui sont aveugles de naissance. 3 brebis sont mortes récemment, le foie farci de cuivre et de plomb. Les pâturages regorgent de métaux, du plomb, du zinc, du chrome, du nickel. Des taux anormalement élevés est constaté par la brigade criminelle de la gendarmerie nationale. Moi je veux bien qu'il y ait des déchets à traiter. Je veux bien qu'on ait une société de consommation qui produise des déchets et qu'il faut les traiter. mais que chacun traite ses déchets. Moi, je ne veux pas avoir dans mon herbe du cuivre qui vient du Japon. Des milliers de tonnes de déchets viennent effectivement du monde entier, retraités dans des fours très puissants qui dégageraient ces particules de métaux, ce que conteste la CEPS, l'usine en question. Les dirigeants de la CEPS, eux, estiment que les taux régulièrement mesurés sont trop faibles pour avoir un impact sur l'environnement. Tout est sous contrôle, disent-ils. Même discours du côté des Australiens de la Moss. Certes, il y a de l'arsenic dans leur biel, notamment à cause de l'infiltration des pluies dans les sols pollués, mais à des doses inoffensives, avance-t-on. Mais dans la vallée, ces tentatives de minimiser les risques, cette langue de bois ne convainc pas. Les habitants le savent maintenant, la zone est gravement contaminée. Une intempérie un peu virulente et les bassins de rétention de la Moss, ces plages, pourraient déborder. Des millions de tonnes d'arsenic et autres polluants s'écouleraient alors dans les sols et les cours d'eau. En 1997, un arrêt préfectoral confirme la dangerosité de la pollution minière en établissant des règles de sécurité sanitaire. Ne pas utiliser l'eau des puits, ne pas consommer escargots, plantes aromatiques, légumes, feuilles et racines cultivées sur des terrains inondables, irrigués ou arrosés par les eaux de leur biel. Ne pas se baigner dans la rivière, faire attention à la poussière, surtout pour les enfants. Se laver soigneusement les mains après avoir travaillé ou joué à l'extérieur. Laver fréquemment les sols des maisons avec une serpillière. On se croirait à Pripyat, la ville la plus proche de Tchernobyl. Sans compter que cet arrêté préfectoral est plus que paradoxal, puisque officiellement, l'exploitation de la mine et le traitement de ses rebuts ne polluent pas outre mesure. Or, pour Jean-Pierre Rivière, médecin à Cuxac-Cabardès, près de Salsigne, interrogé par France 2, les risques sanitaires sont incontestables. C'est là où nous, je crois que nous sommes très inquiets, c'est que nous avons en main des analyses qui font état de la présence de métaux lourds. Or, nous savons que ces métaux lourds n'ont pas une action immédiate, c'est par effet cumulatif, donc ça peut être des pathologies qui apparaîtront dans 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. Plus clairement, des cancers qui pourraient atteindre une partie de la population ici. Dans les années 90, aucune étude ne permet d'affirmer que dans la vallée de l'Orbiel, il y a plus de malades qu'ailleurs. Les ouvriers et mineurs le constatent eux-mêmes. À l'usine, les intoxications sont légion et les cancers aussi. Max Braille, ouvrier de la CEPS et maire du village de Lastour, non loin des mines de Salsigne, fait partie de ce qu'il appelle la tribu des nez percés. Oui, comme beaucoup de ses collègues, en effet, il a la cloison nasale perforée à cause du soufre et de l'arsenic. En 1995, il dénonce dans la presse locale les risques énormes que la CEPS fait prendre à ses ouvriers en incinérant des matériaux toxiques dans des fours inadaptés, les water jackets. « Nos vies sont en danger », prévient-il. Le lendemain, il est licencié, pour faute grave. Et puis à la mine, tout le monde ne voit pas son engagement d'un bon œil. Car dire que la mine est dangereuse, c'est risquer de l'avoir fermée et donc de perdre son travail. Max Weil, devenu lanceur d'alerte, parle de chantage à l'emploi. Le water jacket, notamment, est un four qui est un four où on peut passer beaucoup de produits à l'intérieur, mais les installations sont en mauvais état. Donc, dans la mesure où on a des trous, il y a des fuites et l'on augmente la possibilité de pollution. Et les dirigeants des entreprises devraient prendre davantage conscience du danger qu'ils représentent. Alors, on est dans une période malheureusement néfaste pour l'emploi. Le chantage à l'emploi, ça va bien. Le chantage aux vies humaines, il faudrait peut-être arrêter. Progressivement, au cours des années 90, le discours de Max Braille va être relayé hors de la mine. Dans la vallée de l'Orbiel, d'autres voix inquiètes, en effet, vont commencer à se faire entendre. Celles des riverains, et notamment des agriculteurs. 9 exploitants agricoles de Salsigne font ainsi l'association de défense des riverains de Salsigne et portent leurs revendications devant la justice. C'en est fini des années 80, ce temps où les industriels achetaient leur tranquillité en dédommageant au cas par cas les riverains mécontents. Désormais, les pollueurs doivent être condamnés et surtout, ils doivent arrêter de polluer. La MOS, la société australienne qui stocke l'arsenic dans des bassins à l'air libre, SNC Lastour, qui évacue également ses déchets, et la CEPS, dont les fours polluent la région, passent ainsi devant les tribunaux. Mais les procédures sont lentes, trop lentes. Et quand la justice condamne finalement leurs dirigeants, c'est trop tard. Pendant des années, la MOS, la SNEP et la CEPS ont rejeté impunément dans la nature des déchets toxiques et dangereux par millions de tonnes. We are miners, hard rock miners, to the shaft house we must go. Oil bottles on our shoulders, we are marching to the slow. On the line, boys, on the line, boys, drill your holes and stand in line till the shift boss comes to tell you you must drill her out on time. Can't you feel the rock dust in your lungs? It'll cut down a miner when he is still young. 2 years and the silicosis takes hold, and I feel like I'm dying from mining for gold. Yes, I feel like I'm dying from mining for gold. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Les groupes miniers qui exploitent le site de Salsigne en difficulté financière finiront par mourir avec le XXe siècle. À la fin des années 90, la CEP s'est liquidée judiciairement, la concession de SNC Lastour touche à sa fin et la MOS met la clé sous la porte. Car malgré les 200 millions de francs investis par le groupe australien depuis 1993, la mine d'or n'a jamais généré de bénéfices. C'est un mauvais filon. L'emploi des mineurs et des ouvriers préservé pendant quelques années supplémentaires, tout de même grâce au soutien de l'État. Mais à l'été 2004, c'est définitivement la fin d'une époque. Ici, on roule sur l'or, plaisantent les habitants de la Montagne Noire. Aucun n'a fait fortune avec le métal précieux. La plupart n'en ont jamais vu la couleur, mais leur horizon, c'était le puits de la mine. On est sur l'or quand même, il faut dire ce qu'il est. On a eu de l'or sous le pied, quoi. Et pendant un moment, il y a 100 ans que cette mine est dure. Dernière mine d'or en activité en France, détenue par des Australiens, Salsigne est condamnée. Une entreprise pas assez rentable. Demain, les derniers mineurs remonteront du fond. On est fiers de notre métier. Qu'on le veuille ou non, c'est un métier noble. 170 emplois disparaîtront le jour où, à la place de graver un poinçon, ceux de Salsigne inscriront le mot fin. En partant, les derniers exploitants de la mine de Salsigne laissent derrière eux des centaines d'hommes sans emploi. Mais ils abandonnent aussi près de 12 millions de tonnes de résidus, des collines, des bassins et leurs plages de déchets toxiques. Arsenic, plomb, produits sulfurés qui polluent à plus de 40 km à la ronde, notamment en cas de forte pluie. Mise en liquidation judiciaire, la CEP s'est chargée par l'État de traiter les déchets industriels de Salsigne, laisse derrière elle un site encore plus pollué qu'à son arrivée en 1992. Ce n'est donc ni elle incapable de payer, ni la MOS qui refuse d'assumer les frais de réhabilitation qui vont nettoyer Salsigne. Non, c'est l'État, car il s'agit de préserver l'emploi dans la région. Un chantier de 7 ans à plusieurs millions d'euros pour réhabiliter ce site vieux d'un siècle. Le fond des lagunes est recouvert d'une couche d'argile pour empêcher l'infiltration de l'arsenic dans les sols. Les usines sont démantelées. Quant aux déchets encore non traités, ils sont enfouis puis recouverts d'une membrane de protection. Reportage de France 3 en 2004. Depuis le rachat de la mine en 1992, des efforts considérables ont été faits pour diminuer la pollution. Mais chaque année, c'est plus d'une tonne d'arsenic qui se déverse dans cette rivière, l'Orbiel. De nombreuses zones doivent encore être dépolluées. Il reste plus d'un million de tonnes de déchets sur les 50 hectares du site. La dépollution a été confiée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors là, on arrive vers la zone où seront confinées la plupart des terres polluées. Option choisie, enfouir les déchets sous terre dans deux fosses hermétiques en espérant que la nature reprenne ses droits. On ne pourra pas se permettre d'en faire un golf ou un chemin pédestre. Il sera surveillé. Par contre, il n'aura plus cet aspect lunaire. Mais il sera surveillé à jamais ? Oui, il sera surveillé continuellement. Au total, la Cour des comptes estime que l'État, en additionnant plans sociaux et chantiers de réhabilitation, a dépensé plus de 100 millions d'euros dans les mines de Salsigne. Des travaux censés assurer la sécurité des riverains et protéger leur santé, mais qui en fait posent question. Car les dirigeants de l'ADEME, en charge de la dépollution du site, le disent eux-mêmes. Cette dépollution est techniquement impossible, tant les sols sont imbibés de produits toxiques. Leur objectif, c'est donc de les confiner pour limiter leur diffusion dans la nature. Dans la vallée de l'Orbiel, on a le sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Une épée d'autant plus menaçante qu'elle est invisible. Au fil des années, la végétation pousse et le souvenir de la mine de Salsigne s'efface. Ces produits, vous pensez qu'ils ont été enterrés de manière correcte ? Il n'y a pas de risque de percolation ? Je pense que les entreprises qui avaient la mission ont fait correctement leur travail. Dans le temps, qu'est-ce qui se passera ? Nul ne le sait. Et moi, quand on me dit « vous ne faites pas de soucis », je veux bien. Je ne suis pas d'une nature soucieuse, mais je sais que pendant un certain temps, nous avons une responsabilité, que nous allons ensuite transférer à nos enfants et petits-enfants un héritage. Cet héritage, j'aimerais le transférer le moins moche possible. Des garanties, personne ne pourra nous en donner complètement. Personne. Et ce qui est malheureux, et c'est là qu'on joue sur la mémoire sélective des gens, c'est que l'on tente de minimiser et de faire oublier ce qu'il y a eu. L'homme qui répond à Ruth Stegassi en 2013 sur France Culture, c'est Max Brel, le maire de Lastours, l'ancien ouvrier de la CEPS, qui avait été renvoyé en 1995 après avoir dénoncé la pollution engendrée par les fours de l'usine. Comme d'autres militants de la vallée de l'Orbiel, dont l'association des riverains de Salsigne et celle des terres d'Orbiel, il se bat pour que les erreurs du passé ne tombent pas dans l'oubli. Sur le site de l'ancienne mine, en effet, rien n'est clôturé et les pancartes signalant que l'endroit est dangereux restent très discrètes. À moins de tomber sur la mine à ciel ouvert qui a été conservée, un promeneur ne peut se douter qu'il y a encore quelques années, des usines tournées ici à plein régime. Alors, des touristes pêchent et se baignent ainsi sans savoir dans des cours d'eau pollués. Des fêtards ont organisé une rave party en plein sur les montagnes de déchets sans se douter qu'ils dansaient sur des tonnes d'arsenic. Et dans les jardins de la vallée, malgré l'arrêté préfectoral qui l'interdit depuis 1997, certains continuent de manger ces salades contaminées. Pourtant, et on l'aura compris, la zone est toujours très polluée malgré la fermeture de la mine et des usines adjacentes. En cause notamment l'étanchéité des zones de stockage, où les eaux de pluie s'infiltrent et se chargent en arsenic avant de rejoindre la rivière Orbiel. Chaque année, ce sont 3 tonnes de poison selon l'État, 8 tonnes selon les associations qui sont charriées par cet affluent de l'Aude avant de venir se jeter dans la Méditerranée. Une contamination qui augmente en fonction des aléas météorologiques, et ce pour encore 10 000 ans selon les estimations. De quoi continuer d'intoxiquer la population. Selon la seule étude scientifique rendue publique en 2005, 15 000 personnes seraient exposées et les risques de cancer plus élevés qu'ailleurs. Une étude de 4 médecins français publiée dans une revue britannique renforce les craintes des habitants. Ici, de 1969 à 98, le cancer a tué 10% de plus que dans le reste de la région. Plus 30% pour les cancers digestifs chez les femmes, 2 fois plus de cancers de la gorge et du larynx. On a l'impression qu'on a voulu nous cacher quelque chose, c'est évident. Hein. Pourquoi ils auraient pu le mettre dans la dépêche au midi, vous les trois hein. Plutôt que dans une revue médicale anglaise. On nous cache des choses. C'est ce que l'association Gratte-Papier entend démontrer. Depuis 2006, son président, François Espuche, se bat, notamment contre un projet de décharge départementale à la SAC, près de Salsigne. Pourquoi y entreposer de nouveaux déchets quand la zone est déjà extrêmement polluée, interroge-t-il. Réponse étonnante du Conseil général. La population de la vallée de l'Orbiel est déjà sensibilisée aux problèmes de pollution. Autrement dit, le poison, elle connaît, pas de problème. François Espuche demande alors à consulter les expertises qui ont mené à cette décision. On les lui refuse avant de lui en fournir une version aseptisée. L'historique du CD-ROM contenant les expertises, explique-t-il, signale plusieurs modifications qui attirent son attention. Le président des gratte-papiers comprend alors que l'existence d'une nappe phréatique potentiellement contaminable par la décharge a été dissimulée. Au terme de procédures en justice menées par l'association, le projet de décharge départementale est mis de côté. Mais les demandes de l'association de défense des riverains de Salsigne, qui réclament des études sanitaires concernant l'impact de l'ancienne mine, elles, restent lettres mortes. C'est comme écrire au Père Noël, explique Guy Auger, viticulteur et président de l'association. Pour lui, comme pour Max Brel, le maire de Lastour et ancien ouvrier de la CEPS, les autorités minimisent les risques pour que la population locale oublie. En octobre 2018, les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'Aude font déborder l'Orbiel. 725 000 euros de dégâts matériels qui n'épargnent pas le site de l'ancienne mine de Salsigne. L'eau de pluie s'infiltre dans les sols et déplace des sédiments toxiques censés rester confinés dans les bassins et les collines de stockage. Selon la préfecture, la situation est sous contrôle et les concentrations en arsenic sont similaires aux années précédentes. On jette tout! On peut pas les contaminer! Tous les meubles de cette école doivent partir à la benne. Ils pourraient avoir été exposés à des métaux lourds. On a une mine d'or à Salsigne avec de la pollution. Et comme les jouets, comme vous les récupérez, sont peut-être souillés et contaminés, donc on va être obligé de les jeter. Seuls 10 km séparent la commune de l'ancienne mine d'or de Salsigne. Pour la préfecture, la situation reste sous contrôle. Elle prévoit d'effectuer des mesures de contamination de l'eau demain sur le site minier. Selon les premières estimations, 83 000 tonnes de déchets auraient été charriées par les inondations. Des taux 10 fois supérieurs à la norme sont mesurés dans des écoles inondées comme à Combes sur Orbiel ou à la Stours. Des parents inquiets font alors tester leurs enfants. Au total, près de 58 d'entre eux sont contaminés. Regroupés en association, les parents dénoncent depuis l'inaction de l'État, qu'ils interpellent sans succès. Max Brail, qui se bat depuis près de 25 ans pour faire reconnaître la pollution de la vallée de l'Orbiel, parle lui d'abandon et même de mépris. Une meilleure surveillance des sites de stockage, un suivi médical pour les enfants de la vallée, la création d'un fonds d'indemnisation, voire la dépollution totale de la zone. Voilà quelques-unes des mesures réclamées par ceux qui pâtissent au quotidien de la contamination à l'arsenic autour de l'ancienne mine de Salsigne. Des mesures plus ou moins réalisables et des pouvoirs publics dépassés dans l'un des endroits les plus pollués en Europe. Territoire abandonné, perdu, foutu pour certains. Salsigne, autrefois cœur dynamique d'une industrie minière florissante, rappelle aujourd'hui à quel point la production industrielle ne peut être viable que si elle va de pair avec la protection de l'environnement et des hommes. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Salsigne, la vallée d'arsenic. Notre invité, Hervé Pujol, bonjour. Bonjour. Ingénieur de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'ouvrage « Tristes mines, impacts environnementaux et sanitaires de l'industrie extractive » publié en 2014 aux éditions Les Études Hospitalières. Alors, Salsigne, on vient de le voir ou le découvrir avec le récit, c'est vraiment l'une des régions les plus polluées de France, peut-être même d'Europe, dont on entend assez peu parler finalement. Pourquoi ? Bah écoutez, il y a plusieurs éléments de réponse peut-être à apporter à cette question. Les médias, quant à eux, en ont toujours parlé, et cela depuis fort longtemps. Il existe un fonds journalistique très important de ce point de vue. Mais en parlant d'information, je crois que comme pour toute information, on s'y intéresse un moment, et puis on oublie. Actuellement, vous avez des problèmes environnementaux qui sont si nombreux que Salsigne peut paraître noyé dans un flot d'informations. Que Salsigne aussi, vous l'avez évoqué, soit une histoire sans fin, fait peut-être aussi qu'on finit par s'enlacer, ou peut-être par la banaliser. À cela, il faut ajouter aussi le fait que les pouvoirs publics, en martelant qu'il n'y a pas de pollution, ou il y en a très peu, brouillent considérablement le message, la communication de l'information. Dernier élément. Oui, pardon. Non, je vous en prie, donnez votre troisième élément. Oui, le dernier élément, c'est qu'il faut reconnaître aussi que sur place, vous avez certains habitants, vous avez certains élus qui préfèrent ne pas parler de la pollution pour éviter une stigmatisation du territoire qui entraverait son développement. Alors, est-ce qu'au bout du compte, on peut dire que Salsigne, c'est le modèle à ne pas suivre, le contre-modèle de l'exploitation minière, que finalement on a fait tout à l'envers, tout ce qu'il fallait pas faire ? À mon sens, oui. À mon sens, Salsigne est un site emblématique parce qu'il concentre tous les aspects de la problématique minière, à savoir la prévention des risques et la question de leur acceptabilité sociale, le traitement des déchets et la réhabilitation des sites miniers, mais aussi la protection de la santé publique, l'information des citoyens, la gestion de l'après-mine et... Pour finir, l'effectivité des normes juridiques. Qu'en est-il du principe de précaution à Salsigne ? Qu'en est-il du principe du pollueur-payeur ? Donc à mon avis, c'est vraiment un contre-modèle, car en bien des domaines que je viens de citer, la politique qui a été menée par les services de l'État s'est soldée par des échecs. Et les problèmes actuellement posés par l'après-mine, après les inondations, en sont le meilleur exemple. Ce sont des problèmes qui sont d'ailleurs attentivement suivis dans d'autres régions de France, où il est question d'ouvrir des mines. Et ces problèmes ne vont pas restaurer l'image de l'exploitation minière au moment où le gouvernement compte relancer cette activité. Bien sûr. Alors, on va laisser le relais pendant quelques minutes au journaliste Christophe Boltanski, qui a réalisé un grand reportage sur ce sujet pour la revue Zadig. Il y a passé une semaine, c'était en septembre dernier, à l'occasion de la rentrée des classes. Et notre reporter, Anaëlle Verzo, pour Affaires Sensibles, est donc allé voir le journaliste Christophe Boltanski. Christophe Boltanski, les parents des enfants contaminés par l'arsenic se sont constitués en association. Et il dénonce, je crois, l'inaction de l'État. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, que vous avez constaté aussi ? Que pourrait faire l'État ? Mais en fait, on est dans une situation folle où, en gros, l'État, évidemment, hésite à dire on est devant l'un des sites les plus pollués de France, parce que si l'État reconnaît cette situation, les gens vont demander des indemnisations. Et nettoyer cette vallée de tous ces déchets, on parle de 15 millions de tonnes de déchets, coûterait des sommes absolument astronomiques. Et donc, pour l'instant, l'État a tout fait pour minimiser le danger. Et en même temps, l'État veut se couvrir. Pour ne pas être attaqué, il y a eu le procès du sang contaminé. Enfin, voilà. Depuis, on sait bien qu'il y a des procès, qu'il y a un risque juridique. Et donc, pour se couvrir, depuis 1997, la préfecture de l'Aude reconduit d'une année à l'autre des recommandations disant aux gens, en gros, il ne faut pas consommer l'eau des puits, il ne faut pas manger les légumes et les fruits du jardin, il ne faut pas ramasser du thym dans la campagne, il ne faut de préférence se laver les mains quand vous allez jouer dehors. Et laver le sol régulièrement de votre appartement. Mais toutes ces recommandations, quand vous interrogez les gens de la vallée, personne n'était au courant de ces recommandations. Parce qu'on ne voulait surtout pas faire peur, on ne voulait pas créer de panique, et on voulait balayer tout ça sous le tapis. Et puis finalement, on s'est aperçu, je crois, Hervé Pujol, que ces recommandations étaient tellement schizophrènes qu'on les a annulées. ça montre quand même une gestion du problème par l'État un peu erratique, moins qu'on puisse dire. Non, elle est complètement erratique. L'État, après les inondations, m'a paru, moi personnellement, complètement dépassé par les événements. À ce titre d'ailleurs, l'Agence régionale de santé a reconnu qu'après les inondations, il y a eu des urgences à traiter et que le problème environnemental est complètement passé au second plan. C'est-à-dire que finalement, le problème de la pollution à l'arsenic et autres métaux lourds n'a pas été une priorité. Et ça, c'est quand même stupéfiant d'avouer ça, parce que l'ARS a pour mission de protéger la santé des populations, de toutes les populations. Là, comme argument, on citait le fait que certains établissements, des EHPAD, avaient été inondés et qu'il fallait reloger leurs pensionnaires. Mais je suis désolé, le rôle de l'ARS, c'est de protéger aussi bien les personnes du troisième âge que les enfants. Et à ce moment-là, il fallait affronter ce problème, que des pouvoirs publics, dans une situation d'urgence, ne puissent pas affronter tous les problèmes qui se posent, me paraît effectivement regrettable. Mais est-ce qu'on peut être aussi concernant l'État dans le mensonge? Parce qu'on peut être dans le déni, c'est l'étage inférieur du mensonge. Le mensonge, c'est le déni assumé, prémédité. Est-ce qu'on est là-dedans? Bah, effectivement, certains observateurs, eux, considèrent qu'effectivement, de la part de l'État, il y a une forme de déni. Et on peut considérer que, en tout cas... En certains éléments, on peut être nié, on peut être dissimulé, ou on peut être minimisé pour ne pas affoler les populations, pour éviter effectivement un phénomène de d'hystérisation. Ceci dit, si on est dans le déni, c'est une erreur. Le déni ou les non-dits sont très dangereux. Hein. On sait très bien que entretenir l'incertitude, comme l'a fait l'État, ne fait que renforcer le sentiment d'insécurité et accroître la défiance des riverains. Surtout à l'époque d'aujourd'hui, où avec la multiplication des moyens de communication, avec l'essor des réseaux sociaux, les gens exigent un maximum de transparence. Et de toute manière, enfin, c'est là où je trouve finalement le problème mal géré, c'est que par rapport à l'action de l'État, lorsque les pouvoirs publics interviennent en reconnaissant l'existence de certains points noirs sur le territoire comme ils l'ont fait, et en affirmant qu'ils contrôlent la situation, eh bien, eux-mêmes, les pouvoirs publics, donnent aussi, paradoxalement, du crédit à la réalité du risque. Oui, parce Donc, que... on est... Oui. Parce que les expressions qu'on entend souvent, la situation est sous contrôle, il n'y a pas de normes qui dépassent ce qu'on peut accepter, les gens finissent par plus les croire, d'autant plus que c'est formulé toujours de la même façon d'ailleurs. Toujours de la même façon, avec quand même une évolution qui est notable ces derniers mois. C'est que la position de l'État était tellement inconfortable qu'il est allé jusqu'à inventer des concepts comme celui de surpollution. Surpollution, quand vous dites qu'il y a surpollution, a contrario, ça signifie qu'il y a pollution. Oui. Et donc, s'il y a pollution, on n'est plus dans un milieu équilibré et respectueux de la santé, comme l'impose notre Constitution. La Charte de l'environnement qui est intégrée dans la Constitution prévoit le droit pour tout individu de vivre dans un milieu respectueux de la santé. Donc, c'est pas du tout le cas ici. Donc, on invente ce concept de surpollution. Mais ça pose des questions. Hein. Est-ce qu'il faut attendre qu'un site soit surpollué pour intervenir et pour le traiter? Et à partir de quand pouvez-vous me dire qu'un site est surpollué? Hein, le concept en lui-même n'a aucune valeur technique, aucune valeur juridique. Alors passons à la réalité justement. Passons à la réalité aujourd'hui, là, au moment où nous parlons. Quel est l'état de la pollution par à quels endroits, quel type de pollution et par quel type de minerais? Enfin, on sait que c'est l'arsenic, mais où en est-on exactement là, maintenant? Mais actuellement, juste un élément, c'est que à Salsigne, jusqu'à présent, vous aviez une commission locale d'information qui avait été prévue pour suivre le traitement du dossier. Eh bien, très récemment, la préfète de l'Aude, Madame Édition, a décidé de remplacer cette commission locale d'information par une commission de suivi des suites du site. Pardon, commission de suivi de site, normalement, n'intervient que pour les sites qui sont classés Céveso. À seuil haut. Donc c'est pour vous dire, finalement, quelques mois après, comment implicitement on reconnaît la dangerosité de la situation, alors que pendant des mois et des mois, on a tenu, je dirais, une gestion minimisante du site. Alors l'eau, par exemple. Parlez-moi de l'eau. Ah, mais l'eau, malheureusement, vous avez des analyses qui ont été faites. Mmh. Il y a eu des controverses, mais que ça soit l'eau, que ça soit les sédiments, chaque fois, les taux d'arsenic sont très importants. Le dernier point qui a été fait, en tout cas le rapport de Santé publique France, tend à dire qu'effectivement, les mesures qui ont été relevées par le bureau, par le BRGM, eh bien, font état de teneurs en arsenic qui sont anormalement élevées. Et ça va même plus loin, puisque le même rapport signale qu'il y a des teneurs très élevées aussi, qui vont concerner le cuivre, qui concernent le nickel, qui concernent le zinc, le bismuth. Donc, vous voyez, plusieurs métaux lourds. Et se pose après la question, bien sûr, pour la santé, de l'effet cocktail de ces métaux lourds. Et concernant ce qu'on mange, issu des maraîchers, les salades et autres. Et effectivement, donc tout, enfin, c'est un problème en cascade qui fait que actuellement, dans la mesure où on n'intervient pas et où on gère ça à minima, ceux qui payent l'addition, c'est finalement les gens qui vivent sur place, qui sont obligés de suivre des recommandations ou de finalement respecter des arrêtés préfectoraux qui vont les pénaliser dans leur vie quotidienne. Hein. Vous l'avez dit, on ne peut pas consommer certains produits, on ne peut pas ramasser de thym, d'escargot, on ne peut pas manger certains légumes, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas se baigner. Et donc ça, c'est très facile de se défausser comme ça en demandant aux gens depuis des années de suivre des recommandations et de ne pas s'attaquer véritablement à l'élimination des déchets. Alors, ça génère une autre question qui est peut-être encore plus anxiogène. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on ne pourra pas revenir en arrière? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut plus dépolluer? C'est trop tard. Non, je pense qu'il faut toujours garder un espoir. Le problème de la dépollution, c'est un problème financier. Je pense qu'il y a des moyens techniques pour dépolluer, mais en fait, effectivement, ça revient très cher. Et donc, les déchets à Salsigne, vous l'avez dit, on a choisi de les confiner. C'est la triste réalité de Salsigne actuellement. C'est que, alors que la dépollution, et tout le monde est d'accord là-dessus, alors que la dépollution s'impose comme étant une exigence de santé publique, on ne dépollue pas. On n'a jamais vraiment dépollué, on confine seulement les terres polluées avec les risques que cela comporte. Et ça veut dire quoi, confiner? Qu'est-ce qu'on en fait? On les enterre. On les enterre. Pourquoi? Parce que leur élimination est jugée trop peu coûteuse en termes de finances publiques. Ça, vous savez, ça me fait penser, dans certaines régions du globe, dans d'autres continents, l'industrie minière aussi provoque ce qu'on appelle des zones sacrifiées, c'est-à-dire des endroits où on a découvert des ressources naturelles à un certain moment, qu'on a exploitées parce qu'elles étaient à forte valeur sur le marché mondial, et puis une fois qu'on a tiré la dernière goutte de profit de ces régions, eh bien, on les abandonne à leur triste sort, avec un écosystème qui est complètement dégradé, sinon complètement détruit. Ici, à Salsigne, eh bien, depuis 20 ans, les riverains doivent faire avec. Et donc, on s'aperçoit que régulièrement, avec les épisodes dont on a parlé, climatiques exceptionnels, le problème revient. C'est l'histoire bégaye à Salsigne, elle se répète depuis 120 ans, parce que vous avez évoqué en début d'émission les problèmes qui ont été posés dans les années 30 et 40, les années 70. Régulièrement, ça revient. Tant qu'on n'aura pas pris le taureau par les cornes et entrepris de dépolluer et d'agir efficacement, on restera en l'état avec cette pollution. Tiens, on va voir ce qu'en pense notre journaliste consultant à travers le reportage d'Anel Verzo, c'est-à-dire Christophe Boltanski, donc Anel Verzo a rencontré, qui, je vous le rappelle, a réalisé un grand reportage sur le sujet. Encore une fois, cette vallée a été traitée depuis des décennies comme juste une décharge à ciel ouvert, avec un laisser-aller absolument incroyable. L'usine savait très bien, par exemple, qu'il y avait des moments de pollution où il était plus possible de consommer les fruits et légumes de la vallée. Donc elle rachetait aux agriculteurs. Ils rachetaient les salades, les tomates, etc. Et elle les donnait à ses ouvriers, gratuitement. Les tomates et les salades contaminées, donc. Des tomates et des salades contaminées. Et les ouvriers ramenaient ça chez eux, et voilà. Content d'avoir eu des fruits et des légumes gratuits. Gratuits, absolument. Et parce qu'il y a eu des pressions exercées sur les médecins pour qu'ils signent un texte teste, en gros, disant « mais non, circulez, il n'y a rien à voir, tout va très bien ». Une médecin généraliste que j'ai rencontrée, qui était baptisée le docteur Arsenic, quand elle a voulu alerter, elle s'est heurtée à l'omerta, c'est-à-dire que tout de suite, on lui a dit « mais non, vous allez créer un sentiment de panique ». Vous voyez, elle s'est retrouvée en butte avec certains même de ses collègues. Et vous pensez que ça peut changer ? Mais je l'espère. On voit bien que quand il y a une mobilisation comme à Rouen récemment, Brésol. Voilà, l'État a quand même réagi un peu plus vite que dans leur biel. Hein. On a un peu le sentiment d'un deux poids deux mesures de l'intervention ou pas de l'État selon qu'on est dans une grande ville ou un petit village. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce que disent très justement d'ailleurs les habitants de la vallée de l'Orbiel en disant nos enfants ne valent pas la même chose que les enfants du centre de Paris parce que la réactivité de l'État après le Notre-Dame sur les affaires de plomb a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus massive que celle que l'on a pu observer dans le sud de la France. Christophe Oltanski, est-ce que vous pensez travailler à nouveau sur ce type de grand sujet ? Oui, j'aimerais bien, en fait. Il y a un sujet que je trouve extrêmement central et qui, à mon avis, est sous-traité en France, c'est toute la conséquence de la montée des eaux. On sait que d'ici 2050, une partie du littoral français sera inondée. On ne parle pas de choses qui vont se dérouler dans 100 ans, hein, mais dans 30 ans. Et quand on en dit quand vous vous rendez dans des régions côtières et que vous en parlez aux gens, on voit bien que les gens sont encore extrêmement réticents. On est encore énormément dans le déni à tous les niveaux. Les permis de construire continuent d'être octroyés, alors que, enfin voilà, il y a toute cette dimension-là qui, à mon avis, est peu prise en compte et qui mérite d'être étudiée. Alors, pour en venir à Salsigne, Hervé Pujol, que veulent les habitants ? Qu'on les indemnise pour qu'ils puissent se soigner, voire partir, ou tout simplement, en tout cas dans un premier temps, qu'on leur dise la vérité, qu'on réponde à leurs inquiétudes et à leurs questions ? Absolument. Je crois qu'effectivement, avant toute chose, ils veulent la vérité, ils veulent aussi davantage de considération et de respect. Hein. Sachez que dans les 7 mois qui ont suivi les inondations, les services de l'État ne les ont jamais sensibilisés au risque de pollution. Pendant 7 mois, leurs enfants ont joué sur un sol qui était contaminé, à l'extérieur, sans que des consignes de sécurité soient mises en place. Le dispositif de surveillance clinique et biologique des populations n'a été lancé qu'en juillet 2019, alors que les inondations étaient d'octobre. Et cela sans remboursement des analyses au-delà de l'âge de 6 ans, hein, alors que le nombre d'enfants impactés n'a cessé d'augmenter. Et pendant ce temps-là, l'État fournissait aux parents des explications complètement déconcertantes. Oui, donc c'est vraiment une demande d'explication en premier lieu qui est nécessaire. Hervé Pujol, notre entretien se termine là, parce que c'est une question de temps. Désolé d'y mettre fin un peu brutalement, mais on ne peut pas contourner l'horloge. En tout cas, merci infiniment pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. Merci, au revoir. Avec plaisir, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Salsigne ou la Vallée de l'Arsenic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.